web, radio, sinsever.com. Web, radio, sinsever.com. Web, radio, sinsever.com. Web, radio, sinsever.com. Alors, je suis avec Gilles Roucaute, qui a un projet musical très intéressant, et j'aimerais bien qu'il m'en parle un petit peu. Dis-moi Gilles, qu'est-ce que c'est que ce projet musical? Qu'est-ce que c'est comme style de musique? J'ai plusieurs projets musicaux. Je sais que je suis contrariant. C'est le début, mais en fait, j'ai plusieurs... je me décline sous plusieurs façons, de certaines façons. Je joue avec un groupe qui s'appelle, c'est un spectacle qui s'appelle Chanson Fleuve. Ce sont deux guitaristes qui sont les deux frères Verguet, François et Mathieu Verguet, et un bassiste qui s'appelle Daniel Pouhec. Et voilà, donc ça c'est une tonalité un peu musique actuelle, un peu swing. Il n'y a pas de batterie, c'est de faire du... C'est difficile, c'est-à-dire que j'ai une écriture qui est assez riche, qui est assez complexe, et c'est difficile de mettre ça en musique. D'accord. Plus il y a de paroles, moins il y a de place pour la musique, et réciproquement. C'est en français ? C'est en français, ouais, c'est en français. C'est en français de France aussi, pour... c'est des Québécois qui nous écoutent, c'est en français de France. Donc c'est difficile de faire de la place à la musique, là c'est pour essayer de vraiment de jouer sur les deux tableaux, la plus grande complémentarité. Quoi. Voilà. Donc on n'est pas allé jusqu'à la batterie, mais on essaye de faire les rythmes par les trois guitares et par la basse. Mm-hmm. J'ai un autre projet qui est un duo avec un joueur de oud qui s'appelle Ayaz Elias, mm-hmm. qui est tunisien. Le oud, c'est le luth arabe. D'accord. Et ça s'appelle De la même mère parce que j'ai grandi. Moi, je suis né à Montréal, mais j'ai grandi à Marseille. Et lui, il est de Tunis, donc la même mère méditerranée. D'accord. Et lui, c'est un joueur de jazz, de musique classique arabe. Et là, c'est vraiment d'explorer les sonorités et la richesse de cette rencontre. Après, j'ai un projet où je joue tout seul comme un grand avec ma guitare. Mm-hmm. Et là, je suis en train de créer un projet avec juste Mathieu Verguet, un des deux guitaristes. Et je me suis lancé dans une grande entreprise de traduction, enfin d'adaptation de chansons de Bruce Springsteen. Oh oh, ouais. Mais c'est sous Roucaute ou ça sera un autre nom ou... Non, ce sera, je sais pas, Roucaute Chanson Springsteen, un truc comme ça. D'accord. Il faut que je demande l'autorisation et tout. Il faut que je... Oh oui. Là, j'en suis à 8 chansons adaptées. Ok. Et ben, j'ai le droit de le jouer, hein, même sans demander l'autorisation à personne, mais si je veux enregistrer un disque. C'est ça. Puis, voilà, mais c'est un projet intéressant. Le jouer dans des salles, t'as le droit, ça ? On a le droit. On a le droit de jouer ce qu'on veut, oui. Comme on veut, oui. Mais pour le graver, il faut l'autorisation. D'accord. Pour le sortir. Voilà. Et le vendre. Et le vendre. Et d'accord. Il faut l'autorisation. Qui, des ayants droit ou de l'auteur lui-même, mm-hmm. qui vérifie que son œuvre n'est pas complètement massacrée. Voilà. Ça, c'est souvent assez difficile d'avoir cette autorisation. Est-ce que tu es assez confiant là-dessus? J'essaie de faire le meilleur boulot que je peux et j'espère qu'ils feront le leur aussi et qu'ils sont intelligents, je ne sais pas. Voilà. Après, c'est vrai que moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a eu tellement de dotations pourries qui ont été faites dans les années 60, 70, de choses comme ça, que maintenant les Américains se sont rendus compte que les Français, ils faisaient à peu près n'importe quoi avec leurs adaptations et qu'ils avaient refusé pendant longtemps. Après, là, c'est vraiment... attaquer le Springsteen côté folk, mm-hmm. folk, comme on dit ici à Montréal, et pour en extraire le fait que c'est aussi un gars qui raconte des histoires, quoi. Mm-hmm. Voilà, et ces histoires, essayer de les raconter en français, qui ne sont pas exactement les mêmes, parce que ça ne peut pas se passer la même façon en France ou aux États-Unis, donc il mm-hmm. y a des adaptations de fond aussi, okay. mais juste être du folk en français, un gars qui raconte une histoire avec une guitare. Intéressant. Moi, je t'ai connu grâce à autoproduction.net sous Roucaute. Et j'ai eu la chance de chatter avec Gilles Maire de la sauce bolognaise qui m'a dit « Mais sais-tu que Gilles Roucaute est à Montréal ?» J'ai dit « Non, je ne sais pas, donc je vais le contacter tout de suite. » Gilles Maire fait partie d'un projet qui s'appelle « Les Jetés de l'encre », qui est son groupe, quoi. Ouais. Il fait aussi de la musique sous son nom, je crois. C'est super chouette ce qu'il fait et c'est un excellent camarade puisque... Il a monté une association qui s'appelle La Sauce Bolognaise, pour faire monter la sauce. Et tous les jeudis, là, ils ont repris, ils font des soirées partagées, des concerts, etc. Je suis là, alors j'ai pas pu y aller, hein, je suis à Montréal, mais je compte y aller. de pied ferme, soit là bientôt en juillet, s'il continue, ou à la rentrée. D'accord. Et on peut manger, je crois, un plat de pâtes sauce bolognaise pour pas cher du tout. Et puis, voir. Et puis voilà, ceux qui sont là jouent et partagent. Gilbert est un excellent camarade. C'est ça, mais t'as pas encore joué pour... Si. Une fois, j'étais allé voir un copain qu'on connaît aussi, qui s'appelle Christophe Pochon, qui était... Bien sûr. Qui est suisse, lui, et oui. Qui était monté à Paris, qui avait joué avec la sauce bolognaise. J'étais allé le voir là, et puis j'avais joué, et puis j'ai rejoué, et puis je compte bien jouer de temps en temps. D'accord, et ton expérience, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce que le public était dedans, ou il était plus à manger ses pâtes et... Non, le public est là, il est là pour écouter, hein, et puis il découvre, il a les yeux ouverts, et puis alors comment ça se passe? Ça se passe comme une soirée entre potes, hein. C'est ça. Faut pas croire que ça se passe dans un bistrot, dans un petit bar, ça boit des coups, ça joue, ouais. À qui, à toi? Non, moi j'ai pas fini mon verre, bon allez, d'accord, j'y vais. C'est voilà. Et puis n'importe qui peut aller jouer, ou c'est quand même préparé à l'avance? Non, je crois qu'ils aiment bien savoir s'il y en a un qui... À l'époque, il y avait un grand concert, un vrai concert. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui faisait un concert et les autres faisaient. Après, c'était scène ouverte. Mm-hmm. Maintenant, je crois que c'est plus partagé, c'est scène ouverte. Et plus... Alors, ils aiment bien savoir qu'il y aura au moins un tel, mais on peut venir avec sa guitare et ça marche. Alors, si on prévient, c'est plus poli, mais. D'accord. C'est ouvert à tout le monde. Hein. Très bien. Ça se passe à Paris dans le 17e en ce moment, je ne sais plus le nom du bar. Ouais, ça, je pourrais le mettre sur le poste, sur le billet qui va indiquer ce podcast. Il n'y a pas de problème là-dessus. On trouve tout sur Internet de toute manière maintenant. Oui, mais alors il faut que tu le publies vite parce que ça peut changer. Hein. Je crois qu'ils en sont à leur 15e semaine au même lieu. Ça veut dire qu'avant, ils tournaient souvent. Donc, ah oui, c'est vrai. Renseigne-toi juste avant de publier où en est la sauce bolognaise et dans quelles assiettes on la trouve. Ouais. Moi, je voudrais... Tu me dis que tu es né à Montréal, donc ça veut dire que tu viens souvent à Montréal. Est-ce que c'est pour jouer? Est-ce que c'est en vacances? Est-ce que... C'est tout. C'est la vie, quoi. Et puis la vie, j'ai des attaches ici, donc une partie de ma vie se déroule ici. Là, je dois venir un mois ou deux par an, en moyenne, sur les dernières années. Et, je suis musicien, je suis chanteur, donc ma vie, c'est prendre des vacances, chanter, balader dans les rues, boire des bières de microbrasserie et faire des concerts, et voir ma famille... C'est tout un peu mélangé. Je sais pas si je viens pour jouer, mais quand je viens, je joue. T'en profites, c'est j'en, ça. J'en voilà. Soit je profite de venir. Je sais pas exactement dans quel sens ça se passe, mais c'est concomitant, voilà. D'accord. Mais en fait, c'est parce que la vie de musicien aujourd'hui, financièrement, c'est pas génial, c'est pas facile, du moins. Donc, est-ce que tu arrives à vivre de ta musique ou c'est pas forcément... Assez mal, je complète pas gauche à droite en faisant des petites activités annexes. On n'a pas le choix. Hein. Pas trop le choix. C'est ça. C'est plus de la survie que de la vie, mais voilà, c'est la loi du genre. D'accord. À Montréal, tu as beaucoup de contacts pour pouvoir jouer dans des salles. Comment ça se passe? Tu te débrouilles tout seul? Est-ce que tu as des gens qui t'aident? Non, je me débrouille tout seul, mais s'il y a quelqu'un qui veut faire mon tourneur ici au Québec, il sera le bienvenu, d'autant plus qu'il y a des projets assez un peu plus sérieux que d'habitude pour l'année prochaine. Oui, je me débrouille tout seul. Et ben, on relance le réseau, les gens qu'on connaît, chez qui on a eu la chance de jouer. On essaye de suivre les pistes qu'on nous donne. Enfin voilà. Non, pour l'instant, je fais tout seul. Parce que ce qui doit être difficile quand on habite en France et que du coup on n'est pas forcément bien connu au Québec, ça doit être assez difficile d'attirer le public dans les salles, dans les bars et dans les choses. Voilà, c'est d'une fois sur l'autre. C'est, on essaye de fidéliser, de prendre les adresses des gens, de les relancer. On fait la job. Moi, il y a une association qui s'appelle Lézardé. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui. Et il m'arrive d'aller, quand ils font des spectacles, quand ils amènent des artistes français ici, j'essaye d'y aller. Puis je vois que c'est assez difficile. C'est sûr, ça va dépendre des salles, mais souvent il y a des moments où il y a vraiment très peu de monde dans les salles. Puis moi, ça me fait mal au cœur parce que je vois qu'ils se démènent et qu'ils font beaucoup de choses pour amener les artistes, les faire jouer. Et puis le public n'est pas forcément, ne suit pas forcément. Alors je ne sais pas s'il y a une solution, si on peut faire quelque chose pour arriver à attirer les gens à la découverte, parce que souvent le public, il préfère des valeurs sûres et aller voir des artistes connus. Donc, c'est un travail de longue haleine, hein. c'est la même galère pour les salles et pour les musiciens, c'est-à-dire il faut fédérer positivement autour de son nom, autour du nom de la salle ou de l'artiste, si possible les deux. Mm-hmm. Pour ça, il faut être bon quand on joue, jouer devant des gens, et puis leur donner envie de revenir, et d'en parler positivement, et de faire venir d'autres. Je ne connais absolument pas d'autres façons de faire, à part recourir au gros matraquage, qui est hors de portée, et puis qui n'a pas beaucoup de sens. Mais artisanalement, c'est comme ça. Et les réseaux sociaux, est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu penses que ça marche là-dessus pour amener du monde? J'ai ma page Facebook, MySpace, Dailymotion, YouTube. Et j'ai mon site aussi, que je fais moi-même de mes blanches mains. Faut le faire, quoi. C'est une vitrine sur le monde. Mais on est des petits entrepreneurs, quoi. On est des boulangeries, on est des artisans. On fait sa boulangerie. Et il faut qu'elle soit, qu'elle soit bien éclairée, mettre des belles choses en vitrine, que les gens aient envie de rentrer et surtout que le pain soit bon pour que les gens aient envie de revenir une deuxième fois. Qu'il y a tellement, il y a énormément d'artistes, donc le plus difficile, c'est justement d'arriver à garder puis avoir des fans qui vont vraiment s'intéresser à ton projet. Oui, moi je suis pas très fort en marketing, donc je suis pas très fort en décoration de vitrine dans mon analogie, mais je pense que dans la boutique il y a du contenu et que une fois que les gens rentrent, ils ont envie d'y retourner. C'est ma fierté d'artisan. Est-ce que ta musique, on peut la télécharger? Est-ce que il y a des titres gratuits? Est-ce que c'est sur iTunes, etc.? Oui, je suis distribué numériquement par une société qui s'appelle Daddy, qui dépend de Believe, le gros monstre du secteur. Oui, mais heureusement que c'est pas Wildpalm, parce qu'apparemment là, il y a pas mal de problèmes. Tous ceux qui sont sur Wildpalm, ils ont plus de nouvelles. Il y en a plein qui n'ont pas été payés. Et le site ne fonctionne plus. Il y a plus de nouvelles. Ils sont en train de couler. Ouais, on ne sait pas trop ce qui se passe. Oui, donc c'est sur iTunes, pour les Français, Fnac Music, etc. Archambault, je peux les voir. Mais oui, ces choses-là, Virgin Mega, bien sûr, j'y suis. Deezer aussi, pour écouter gratos. Donc on peut aussi écouter gratos pour découvrir. Mais il y a aussi, évidemment, qu'est-ce que t'en penses? On écoute sur MySpace, Facebook et tout ça. Qu'est-ce que t'en penses de Deezer, justement? Parce que Deezer, c'est quand même l'accès à toute la musique gratuitement, et certains fans, finalement, n'ont plus besoin d'acheter de musique parce qu'ils passent leur temps là sur ces sites-là. J'ai entendu une interview du patron de Deezer à la radio il y a quelque chose comme un mois, où il disait que bientôt il y aurait de la pub sur Deezer. C'est-à-dire qu'avant d'écouter le titre, il faudrait se taper 5 ou 10 secondes de pub. Donc, il faut un modèle économique. Donc je pense que Deezer commençait gratuitement, mais ne va plus l'être, parce qu'on ne paye pas avec son... On paye pas, on va plus pas payer avec son argent, mais on va payer avec son temps de cerveau disponible. Donc, comme disait le patron de TF1. Donc de toute façon, on va payer quand même... La musique, elle est gratuite sur le site des gens, pas forcément tout le temps, mais forcément. C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe où on voudrait rattacher à un objet qui sert à rien, le CD et tout ce qu'il y a autour, qui peut être sympathique s'il est bien fait, s'il est beau. Moi, je voudrais faire des livres disques, des choses comme ça, que des gens ont plaisir à garder. Ce serait la vraie valeur ajoutée par rapport à... Après, écrire une chanson, ça n'a pas de coût. L'enregistrer, ça a des coûts si on veut payer les gens. Donc forcément, il y a un coût. Mais je crois que il faut qu'on fasse des jolis objets que les gens ont plaisir à voir et qu'après les gens ils peuvent marquer leur affiliation, leur adhésion à ce qu'on fait en achetant un disque, en payant pour une écoute, en je sais pas quoi. Je crois plus à cet effet d'artisan et de fidèle que, en tout cas à mon niveau d'artisanal, pas au niveau de la grosse industrie, toute autre cavalerie. Mais à mon niveau, je crois plus au bouche à oreille, je crois plus à faire de belles choses et donner envie aux gens de revenir. Et les faire participer à l'aventure. Sur mon CD, le bruit de feuilles, c'est pour lire. C'est du réel. J'ai écrit, je cite, ouvre les guillemets, « Ce CD ne contient aucun dispositif anti-copie. Offrez-le, prêtez-le, copiez-le pour le faire vivre. Achetez-le pour nous faire vivre. » Je crois que comme ça... C'est ma façon d'essayer de faire la part des choses entre la musique qui vit gratuitement, qui se reproduit, qui peut se reproduire toute seule sans rien faire, et ceux qui la font, qui sont bien obligés de bouffer surtout, qui sont un peu gourmands comme moi. Bien. Merci beaucoup. Moi, d'après ce que je comprends en lisant ce que tu viens de nous dire, là, c'est que je pense que tu m'autorises à diffuser un titre de cet album. Lequel tu veux que je présente à mes internautes? Un amour, le premier. Le premier, voilà. Très bien. C'est celui qui ouvre l'album. Merci, alors on va diffuser ça. sa vie, son enfance, à chaque fois d'un cœur nouveau, l'effet lui verse en abondance, de l'innocence plein le berceau, chaque pas qu'il fait les merveilles, ça croit au rythme des saisons, ça croit surtout au Père Noël, aux arcs-en-ciel plein l'horizon. Un amour aussi se transforme, un peu moins pur qu'au jour naissant. Ça prend du galon et des formes, c'est de l'amour adolescent. Ça ose enfin dire je t'aime, ça a des désirs un peu fous. Pas mal attiré par l'extrême, ça expérimente beaucoup. Un amour, ça devient adulte, ça accroît-il son âge fort, ça se fatigue des tumultes, ça confond bonheur et confort. Un amour, un beau jour ça pond, il faut bien justifier le nid, mais que deviennent les cocons une fois les papillons partis. Un amour, ça entre en vieillesse, aux lèvres un goût d'éternité. Un amour qui vieillit, ça laisse enfin l'important de côté. Un amour, ça meurt en silence, ou ça agonise en hurlant. Ça crie au monde sa souffrance, et ça se croit intéressant. Ça garde au cœur la rage folle, ventre mâché d'indignation, ça met le feu à ses idoles, pour mieux s'incendier la raison. Un amour enfin se résigne à n'être que pour un temps d'été, chant du départ ou chant du cygne, signe le permis d'inhumer. Et le permis d'aimer, encore, le permis d'aimer, malgré tout, en large, en travers et en tort, regoûter au feu du vin fou. Et le cœur juste un peu plus rêche, un peu moins prompt à s'étonner, un peu moins bois pour toute flèche, on accueille l'amour nouveau-né. Un amour qui vit son enfance, à chaque fois d'un cœur nouveau, l'effet lui verse en abondance, de l'innocence plein le berceau, chaque pas qu'il fait les merveilles, ça croit surtout au Père Noël. Arc-en-ciel.